Chapitre 15e, une visite inattendue. Par une après-midi où le vent soufflait avec rage, une jeune femme s'avançait à la hâte, mais à petits pas, vers East Lyne. En jugée par sa toilette, par sa robe de soie à 4 ou 5 volants, par le châle gracieusement jeté sur ses épaules, on eût juré que c'était une personne de distinction. Dame de distinction ou non, il n'en est pas moins vrai qu'elle était fort gentille, cette petite femme. Elle était même charmante à regarder, avec sa taille qui se dessinait fine et souple sous les plis de son châle, avec sa démarche pleine d'aisance et le mouvement coquet et quelque peu prétentieux de sa tête. Sans la moindre hésitation, elle se présenta à la principale porte d'entrée du domaine de East Lyne et annonça son arrivée par un vigoureux coup de sonnette, tout en ayant soin de faire retomber sur son joli visage le voile de son chapeau. Un domestique vint ouvrir. Les 5 volants de la visiteuse eurent pour effet d'attirer à celle-ci un salut respectueux. C'est ici que demeure Mademoiselle Hallie John. Est-elle à la maison ? Demanda impérieusement la nouvelle venue. Mademoiselle qui ? Fit le domestique et commençait déjà à regretter sa révérence. Mademoiselle Hallie John, Joyce Hallie John, répéta vivement la jeune femme, je désire la voir. Le domestique, pour le coup, eut bien voulu rentrer en possession de la salutation si pleine de respect dont il venait de se rendre coupable. Il avait cru avoir devant lui une dame, une personne comme il faut, venant rendre visite à son maître. Il allait même, autre bévue, l'inviter à entrer dans le salon et tout d'un coup, il se trouvait n'avoir affaire qu'à une connaissance de Joyce. Sans plus se mettre en frais de politesse, il la pria, d'assez mauvaise grâce, d'attendre dans l'antichambre. Puis il monta l'escalier et alla frapper à la porte de la pièce où Joyce se tenait habituellement avec Wilson, la bonne d'enfant. « C'est une dame qui vous demande. Elle vous attend en bas, » fit le domestique. « Une dame, pour moi, » répéta Joyce. « Vous voulez dire pour les enfants, sans doute. » « Non, c'est pour vous. Du moins, elle a demandé après Mademoiselle Hallie John. » Joyce, ne sachant que penser, descendit à la hâte et se présenta devant la jeune et jolie inconnue qui releva subitement son voile. Joyce, qui était généralement très pâle, devint plus pâle encore. La personne qui se trouvait là en sa présence n'était autre que Affie, Affie qu'elle n'avait point revue depuis la mort de son père. Joyce ne pouvait articuler un mot, tant sa surprise était grande. Affie, pendant ce temps, lui tendait effrontément la main. Veuillez m'excuser, fit Joyce en recouvrant enfin sa raison, mais je ne puis vous serrer la main, je ne puis vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Quel motif a pu vous induire à venir ici? Allons, si vous allez faire vos embarras avec moi, je vais m'en retourner, répliqua Fille d'un ton assez vif, tout en conservant sa bonne humeur. Qu'est devenu Richard? Demanda Joyce avec fermeté. Richard, répéta la sœur avec étonnement. Oui, Richard Hare, où est-il? Comment voulez-vous que je le sache? Autant vaudrait me demander où est le diable. Et certes, j'aimerais mieux connaître ce dernier que d'avoir rien démêlé avec l'individu dont vous osez me parler. Je comprends. Vous avez renoncé à lui. Renoncé à lui, dites-vous? S'écria Fille avec colère. À ça, m'expliquerez-vous ce que vous entendez par ces mots? C'est bien simple. N'avez-vous pas quitté le pays pour le suivre, vous attacher à lui? Écoutez-moi, Joyce, poursuivit Affie avec véhémence. Je me suis autrefois soumise à vos caprices et à vos insolences, mais il y a des bornes à tout. Or, je ne suis nullement disposée en ce moment à prêter l'oreille à de telles niaiseries. Adressez-vous à d'autres. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous me parlez de ce Richard Hare, car depuis la nuit fatale où le crime fut commis, je ne l'ai pas revu, je le jure. Si je l'eusse rencontré sur mon chemin, il serait déjà arrêté et pendu, je m'en vante. Joyce parut réfléchir. Jusqu'alors, elle avait cru, comme le croyait d'ailleurs tout West Lyne, que Richard et Affie vivaient ensemble, et maintenant toutes ses idées se trouvaient bouleversées. Il se demandait si elle devait ajouter foi aux paroles qu'elle venait d'entendre. « Affie, reprit-elle après quelques moments de silence, je ne vous le cache point, ce que vous me dites là me surprend beaucoup. J'ai toujours pensé que Richard était avec vous, que vous aviez partagé son exil. Moi, vociféra Affie, les yeux hors de la tête, moi, vivre avec lui, vivre avec lui, vivre avec le meurtrier de mon père, mais vous n'y songez pas. C'est une calomnie, c'est une horreur. Si je vous ai accusé à tort, je vous en demande pardon, et c'est avec un vrai bonheur que je reconnais ma faute. Il faut n'avoir pas de cœur pour croire à la possibilité même d'un pareil fait. C'est une infamie, je le répète. Tout le monde ici, à l'exception de M. Carlyle, avait la même conviction, continua Joyce. Ce qui prouve que M. Carlyle, lui seul, a plus de bon sens dans sa tête que tout le pays pris en bloc, riposta la jeune fille. Moi, vivre avec Richard Hare. Non, j'aurais plutôt vécu avec un sauvage au corps tout tatoué. Mais S'il en est ainsi, la fille, pourquoi nous avoir quittés? Pourquoi ceci ne regarde que moi? Qu'avez-vous fait depuis lors? Où êtes-vous allé? Je vous le répète, insista fille, ceci est mon affaire et je n'ai nul besoin de contenter la curiosité stupide des habitants de ce pays. Êtes-vous marié? Dieu m'en garde! J'aime trop mes aises, je tiens trop à ma liberté pour y renoncer de sitôt. Je ne suis comme vous qu'une femme de chambre. En vérité, s'écria Joyce qui se sentait le cœur soulagé comme d'un grand poids. Et êtes-vous heureuse, Affy? Êtes-vous satisfaite de votre place? Comme si comme ça, j'ai de bons gages, mais la besogne est lourde et ma maîtresse est une bégale. Si vous m'aviez écrit quelques lignes, Affy, cela nous eût tous rassurés sur votre compte, cela nous eût empêchés d'interpréter votre conduite comme nous l'avons fait. Je me soucie fort peu des médisants de Westline, et j'ai la conscience de n'avoir jamais aimé Richard Hare. Vous l'avez cependant quelque peu encouragé à vous rendre visite. Je ne le nie point. Il me faisait la cour, et pour le bon motif. Il me parlait de mariage, et ma foi, je ne demandais pas mieux que de devenir une dame, quitte même à épouser pour cela un imbécile de sa trempe. J'ignorais alors, bien entendu, l'horrible scélératesse de son âme. Où est-il? Qu'est-il devenu? Depuis la nuit où s'est accompli le crime, on ne l'a pas revu, on n'en a même pas entendu parler. Vraiment, c'est positif. On croit généralement qu'il s'est réfugié à l'étranger. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Si jamais on l'attrape, je me ferai une fête d'aller le voir pendre. Mais laissons là ce sujet. Rien que d'y penser, cela me donne la chair de poule. Quelle est votre maîtresse ici? Madame Carlyle. Ah oui, j'aurais dû le deviner. Est-elle toujours du numéro si maussade et revêche? À peu de choses près. Je ne tiens nullement à la rencontrer, Joyce, car vous devez vous rappeler que nous n'avons jamais eu grande sympathie l'une pour l'autre. Soyez sans crainte, vous ne la verrez point. Elle est à Lineborough. Elle ne doit revenir que d'ici une semaine. Tant mieux. Et votre maître compte-t-il se remarier? Il doit être un peu dégoûté de l'hyménée. Lady Isabelle est morte, interrompit Joyce avec douleur. Parbleu! Et la reine Anne aussi est morte. Ce ne sont pas là des nouvelles, ma chère. Si j'ai cru devoir vous rappeler ce fait, c'est pour vous empêcher de dire du mal d'une personne qui n'est plus. Allons donc, ne faites donc pas la sainte nitouche. Lady Isabelle a beau être morte, on se souviendra toujours de sa conduite. C'était une femme indigne. Taisez-vous, Affy, s'écria impérieusement la pauvre Joyce. Vous n'avez pas le droit de parler de la sorte. Je connais sa vie passée. Je connais toutes ses turpitudes, continua Affy, sans se laisser le moins du monde intimider. Ce n'est pas pour rien que j'ai vécu chez Lady Mountsavern. Que voulez-vous dire? Interrompit Joyce en fixant sur Affy des yeux étonnés. Vous avez été au service de Lady Mountsavern. Pourquoi pas? J'y suis même depuis 2 ans, mais je la quitterai bientôt, car elle m'agace. J'en ai entendu long sur le compte de votre Lady Isabelle, je vous en réponds. On assure qu'elle était fort jolie. Mais malgré toute sa beauté, Sir Francis n'a pas tardé à s'en fatiguer et à la planter là comme tant d'autres. On dit qu'il est marié, lui. Oui, repartit Joyce d'un ton indigné, et je m'étonne qu'une jeune fille bien élevée ait consenti à s'unir à un aussi profond scélérat. Oh, bah, ces choses-là plaisent aux femmes, s'écria Affy en ricanant. Nous aimons tous les profonds scélérats, du moins quand ils sont beaux. Vous le connaissez? Vous l'avez rencontré sans doute chez Lady Mountsavern? Je le connais, oui. Mais ce n'est pas là que je l'ai rencontré. Il n'oserait plus se présenter dans cette maison, car le comte le mettrait à la porte. Mais dites-moi, ajouta Affy, en changeant subitement de conversation, j'ai faim. Et vous pourriez bien m'offrir quelque chose, il me semble. Suivez-moi, dit Joyce. Nous allons monter dans la chambre des enfants. Là, nous prendrons le thé ensemble. Au retour de l'avoué, Joyce s'empressa d'aller lui raconter tout ce qui s'était passé, lui annonçant qu'Affy était dans la maison, qu'elle était au service de Lady Mountsavern et qu'elle jurait n'avoir jamais vécu avec Richard Hare. « Ah !» fit observer l'avoué. « Vous devez vous rappeler, Joyce, que cela a toujours été mon idée et que je n'ai jamais supposé même un instant que Richard vivait avec votre sœur. « Maintenant, monsieur, poursuivit Joyce, j'aurai une prière à vous faire. Affy a obtenu de sa maîtresse, Lady Mountsavern, la permission de s'absenter pendant 2 jours, et je voudrais savoir si vous voulez bien m'autoriser à la laisser coucher ici cette nuit. Mais qu'elle reste cette nuit avec vous, fit Carlyle, je n'y vois aucun inconvénient. Bien plus, j'aurais plaisir à la voir, à lui adresser quelques questions. Dites-lui qu'elle vienne me trouver. Joyce alla prévenir sa sœur qui se présenta aussitôt devant l'avoué. Eh bien, dit celui-ci, vous êtes donc décidé à revenir à Westline? Et à nous prouver que toutes nos conjectures touchant votre disparition subite étaient erronées. Pour ma part, j'en suis enchanté. Asseyez-vous, Affy. Je m'occupe peu des bavardages de Westline, répliqua la jeune fille en prenant un siège. Ceux qui ont osé prétendre que je m'étais enfui avec Richard Hurd ont grossièrement menti. Vous avez eu tort de vous en aller de la sorte. En agissant ainsi, vous donniez naturellement prise sur vous. C'est juste, monsieur, mais après ce qui s'était passé, il ne m'était plus possible de rester seul dans la chaumière de mon père. Le crime qui s'est perpétré dans cette chaumière ne m'a jamais paru bien clairement expliqué. Il y a là un mystère que je voudrais pénétrer. Quel mystère ? Demanda la fille en interrompant subitement l'avoué. Carlyle appuya ses deux coudes sur la table et plaçant sa tête dans ses mains, il fixa sur Affy, assise en face de lui, des yeux perçants et inquisitifs. « Par qui ce crime fut-il commis ? » poursuivit-il d'une voix impérieuse et sévère. Affy demeura un moment silencieuse et comme interdite. « Par qui ? » répéta-t-elle enfin en sortant de son trouble. « Mais par Richard Hurd, tout le monde sait cela. En êtes-vous sûr ? L'avez-vous vu le commettre ? Je ne l'ai pas vu, » répondit Affy. « Non, fort heureusement, car cela m'eût tué sur le coup. » « Mais je sais que Richard Hare s'était ce soir-là disputé avec mon père et que dans un moment de colère il a tiré sur lui. »« Ce n'est là qu'une conjecture de votre part, Affy. Quant à moi, j'ai la conviction que Richard Hare est innocent du meurtre. »« Innocent ? » s'écria la jeune fille. « Mais alors, qui donc s'en est rendu coupable ? Est-ce moi ? Non, Affy, ne plaisantons pas. »« Mais c'est lui seul, » poursuivit Affy. « Je ne l'ai pas vu, c'est vrai. » Mais je n'en ai pas moins la certitude, j'en ai même des preuves évidentes. Des preuves, dites-vous. Oui, des preuves. Et si Richard Hare était là, devant moi, il ne saurait les récuser. Et quelles sont ces preuves ? Je ne puis vous les donner, monsieur, mais vous pouvez ajouter foi à ma parole. Affy, reprit tranquillement Carlyle, vous aviez ce soir-là avec vous un autre ami, le lieutenant Thorne. Cette brusque révélation fit monter le rouge au visage d'Affy. Elle en demeura un moment comme pétrifiée de surprise. Le regard scrutateur de l'avoué semblait fouiller dans les replis de sa pensée. « Je ne le nie point, monsieur, » balbutia-t-elle, « mais cet homme n'a rien eu à voir dans cette affaire. D'où venait-il, ce lieutenant ? De Swinson, où il vivait avec des amis. Et quel est son nom ? Mais Thorne, vous l'avez dit vous-même. Ce n'est là qu'un nom d'emprunt. Thorne était son vrai nom, » insista la jeune fille. « Affy, » continua Carlyle en fixant toujours sur elle des yeux pénétrants, « il ne faut pas chercher à me tromper. Thorne, je le répète, n'est pas le nom véritable de cet individu. Mais je ne lui en connais pas d'autre, monsieur, je vous le jure. L'avez-vous revu depuis ? Une fois seulement, et cela par hasard. Où est-il à présent ? À présent, je l'ignore. Il y a fort longtemps que je l'ai rencontré. J'ai lieu de croire qu'il est parti pour les Indes avec son régiment. Et à quel régiment appartient-il ? Ma foi, monsieur, vous m'en demandez plus long que je n'en sais moi-même. Affy, persista Carlyle. « Il est de toute nécessité que je retrouve cet homme, et je ferai pour cela tout ce qui est en mon pouvoir. »« Connaissez-vous aucun membre de sa famille ?»« Non, monsieur, je crois qu'il était seul. Du moins, il ne m'a jamais parlé de ses parents. »« Ainsi donc, vous me soutenez que son nom était Thorne. »« Je le soutiens et j'en suis convaincu. »« Affy, voulez-vous savoir pourquoi je désire tant retrouver cet homme ?»« C'est parce que je le soupçonne d'avoir été l'assassin de Hallie John. » Affy fut subitement prise d'un mouvement convulsif qui ébranla tout son corps. Ses yeux étaient fixes, sa bouche était béante. « C'est un infâme mensonge !» vociféra-t-elle avec rage. « Pardon, pardon, monsieur » ajouta-t-elle aussitôt en se reprenant. « Mais voyez-vous, monsieur, c'est une calomnie, je vous le certifie. Thorne est aussi innocent du meurtre que j'en suis innocente moi-même. Affy !» continua l'avoué sans se troubler. « Thorne est le coupable, telle est du moins ma conviction. » Vous n'étiez pas vous-même sur les lieux. Vous ne pouvez par conséquent savoir au juste ce qui s'est passé. « Je le sais, je le sais !» insista la jeune fille en versant d'abondantes larmes. « Au moment où fut commis le crime, Thorne est avec moi. L'assassin n'est autre que Richard Hare, je le répète, je le maintiens. Thorne, dites-vous, était avec vous au moment où votre père fut tué. Oui, oui, je le jure !» cria Fi d'une voix entrecoupée par les sanglots les plus navrants. « Quiconque a osé avancer le contraire est un homme sans foi, sans loyauté. » « J'espère, Affy, que vous ne me faites pas là une fausse déposition. C'est la vérité, la pure vérité, » poursuivit-elle avec énergie. « Je le jure sur la tombe de mon père. Pensez-vous donc que j'ai si peu de cœur, que je sois une fille assez dénaturée pour ne pas vouloir venger mon père en révélant le nom du véritable assassin ?» Car là, il demeurait abasourdi. Il ne savait plus que dire, que penser, que croire. Il était difficile de ne pas ajouter foi aux paroles solennelles prononcées par la jeune fille. L'Oxley se trouvait le soir en question dans la forêt. Otway et Bethel y étaient également. Ne pensez-vous pas que l'un ou l'autre de ces deux individus ait pu commettre le meurtre ? Non, répliqua Affy sans hésitation aucune. Richard Hare est le criminel, je l'ai dit et je le dirai toujours. Mon dernier soupir le dira. J'ai des preuves convaincantes, mais ces preuves, je les garde pour moi. » En achevant ces mots, elle quitta la chambre, laissant l'avoué en proie à la plus vive anxiété, l'esprit entièrement désorienté, perdu dans les ténèbres. Devait-il croire à la déclaration faite précédemment par Richard Hare, ou devait-il croire aux protestations de Afi Ali John ?